Chapitre 15e. Le même soir, la chaleur des journées précédentes ayant fait place à la délicieuse fraîcheur des soirées de ce pays, qui n'ont pas encore l'âpreté des nuits d'automne, Saba ouvrit largement la fenêtre de la chambre de Xavier et roula le fauteuil où gisait celui-ci jusqu'à la baie qui laissait entrer un torrent d'air parfumé. Le jeune homme leva sa tête engourdie et sembla écouter un instant quelque chose. Peut-être la musique mystérieuse de ses pensées mélancoliques. « Que veux-tu, mon petit enfant d'or ?» demanda Saba, en penchant vers lui son vieux visage parcheminé. Xavier détourna la tête et se mit à pleurer. « C'est elle qu'il te faut, ta petite fée, dis, tu voudras la revoir ?»« Elle ne veut pas, » murmura le jeune homme. « Elle aurait écrit, elle aurait envoyé quelqu'un, elle ne m'aime pas. » « N'aie pas de chagrin, » reprit le vieux serviteur. « Elle t'aime, peut-être, mais c'est une fille honnête, vois-tu. » Et elle aime encore mieux son honnêteté. » Xavier se souleva, le rouge de l'indignation envahit son beau visage pâle. « Qui a dit que je lui voulais du mal? Quelqu'un s'est-il permis de l'insulter? Qui donc sait lire mieux que moi dans mes propres pensées ?» Saba resta interdit. Dans son cerveau de domestique fidèle, attaché au dernier rejeton d'une grande famille, il n'avait pas fait tant de réflexions. « On lui a donc dit que je prétendais l'offenser? C'est pour cela qu'elle est partie ?» « Je comprends maintenant le complot tramé contre moi. C'est toi, vieux scélérat, c'est toi qui l'as blessé au cœur, pauvre petit oiseau sans défense. Tu lui auras dit, tiens, je n'ose pas penser seulement à ce que tu auras osé lui dire. » Saba leva la main droite vers le ciel. « Que le Seigneur m'entende et me confonde si j'ai soufflé un mot de ce que je craignais en moi-même, » dit-il. « Si la demoiselle a été offensée, ce n'est pas par moi. Au risque même de votre colère, con Xavier, je vous dirai la vérité. J'aurais peut-être dû le lui dire, et je ne l'ai pas fait. Quand je vous ai vu malade ensuite, je me suis laissé toucher par l'esprit du mal, et si j'avais su où prendre celle qui vous donne tant de chagrin, j'aurais été la chercher, et je vous l'aurais amenée, en courant ainsi la damnation éternelle. Mais cela même m'eût paru peu de chose auprès de ta précieuse existence, mon petit enfant béni. » Saba laissa retomber sa main droite, et de sa manche gauche, il essuya les larmes qui inondaient son vieux visage fidèle. « Tu aurais fait cela ?» s'écria le jeune homme en s'accoudant avec vivacité sur le bras de son fauteuil. « Tu aurais été la chercher. »« Vas-y donc, mon cher Saba, mon vieil ami. Tu sais bien, quand j'étais petit, je t'appelais ma bonne parce que tu étais tendre avec moi. Vas-y maintenant, je t'aimerai encore plus. » Saba resta muet. « Tu ne veux pas ?» murmura Xavier d'une voix suppliante en se laissant retomber sur ses coussins. Quand vous étiez malade, j'aurais pu faire une chose blâmable, répondit le vieillard en reprenant son air grimaud. Maintenant que vous vous portez assez bien pour me gronder, vous êtes en état de faire vos commissions vous-même. Xavier le considérait d'un air de colère. Tout à coup, l'expression de son visage changea. Il venait seulement alors de comprendre les scrupules de son vieil ami. Tu as donc bien peur de voir ici une jeune comtesse? Lui demanda-t-il en souriant. Une jeune comtesse? Répéta Saba. Plus que jamais son visage était redevenu de bois. « Eh oui, est-ce qu'il ne faut pas que je me marie une fois ou l'autre ?» Saba ne bougeait point. Pris à son propre piège, il était mécontent de tout sur la terre et regrettait presque l'instant d'avant, où son maître triste et affaissé gardait un silence qui au moins ne compromettait rien. « Saba, mon ami, » reprit Xavier d'une voix faible, « va me chercher ma petite comtesse, ou sans cela, je crois bien que je ne vivrai plus longtemps. » Moitié ruse, moitié bonne foi, il paraissait prêt de s'évanouir. Son fidèle serviteur l'inonda d'eau de Cologne, lui frappa dans les mains, et finalement, en voyant s'ouvrir les beaux yeux noirs qui lui étaient si chers, « Voulez-vous que je la trouve, moi » dit-il. « Est-ce que je sais où elle est allée ?» Xavier reprit soudain ses forces. « Prends de l'argent, » dit-il. « C'est toi qui as la clé de la cassette. Prends des chevaux, prends tout ce que tu voudras, et va-t'en jusqu'à Kiev s'il le faut. Mon oncle défunt était un gros bonnet. » Mais la police en mouvement dit que je fais rechercher Tekla pour lui rendre la fortune du vieux comte, promet une récompense à qui la trouvera. « Ah !» soupira Saba, « si vous promettez de l'argent, on la trouvera bien. » Il ne pouvait plus s'en dédire. Le lendemain, il partit, ne comprenant rien, s'avouait-il en lui-même, à la façon dont Xavier l'avait retourné. « Je crois bien, » grommelait-il pendant que le cheval trottait, « que ce gaillard-là tournera la tête aux femmes. » N'a-t-il pas mis ma pauvre vieille cervelle à l'envers ?